À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée et de la fête de Sungun, ont eu lieu le 3 août les expositions de photos, de livres et des beaux-arts coréens et rassemblements de célébration à Ratnevo de Bulgarie et une conférence à Vienne, Autriche. Dans la salle d'exposition étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les orateurs ont dit que le président Kim Il-sung a fondé l'armée révolutionnaire populaire coréenne et conduit à la victoire la dure lutte armée anti-japonaise pour ainsi libérer la patrie. Ils ont ajouté que le camarade Kim Jong-il a commencé le 25 août 1960 sa direction de la révolution fondée sur l'idée de Sungun par sa visite à la 105e division de Charles Gyeongsu, lauréate du titre de Guni Séoul de l'armée populaire de Corée, et que, grâce à sa politique de Sungun, la Corée est transformée en possesseur du nucléaire et fabricant et lanceur de satellites.